Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. L'enfant prodigue. On doit surtout s'attacher, dans cette méditation, à comprendre et à goûter les paroles de l'Évangile. Les explications qui suivent le texte n'ont d'autre but que de faciliter ce travail au retraitant et de lui ouvrir la voie. L'oraison préparatoire ordinaire. Premier prélude. Je me représenterai l'endroit où le prodigue est réduit à garder les pourceaux, la voie publique où il reçoit les embrassements de son père, la maison paternelle où il prend part à un splendide festin. Second prélude, je demanderai à Dieu la grâce d'imiter le repentir du prodigue, et d'obtenir comme lui le pardon de tous mes péchés. Premier point, le départ et les égarements de l'enfant prodigue. Un homme avait deux fils, Luc 15, 11 à 32. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donnez-moi la portion de l'héritage qui doit m'appartenir. » Et le père leur partagea son bien. Et, peu de jours après, le fils le plus jeune amassa tout ce qu'il avait, s'en alla dans un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en excès et en débauche. Un homme avait deux fils. L'objet de cette parabole est de faire connaître toute l'étendue des miséricordes que Dieu exerce envers le pécheur qui revient à lui dans l'amertume et la sincérité de son cœur. Des deux fils, le plus jeune montre par quelle voie l'homme s'éloigne de Dieu, et par laquelle il doit y retourner. L'aîné, repris avec bonté par son père, nous apprend que, bien loin de nous affliger, nous devons nous réjouir du bon accueil que notre Père commun fait à nos frères, lorsqu'ils reviennent de leurs égarements. Tout se rapporte là, et les autres circonstances ne sont qu'accessoires. Elles ont cependant des sens moraux. Voici ceux qu'on leur donne ordinairement. Le pays lointain, c'est l'oubli de Dieu. La dissipation des biens paternels, c'est l'abus que fait le pécheur des dons naturels et surnaturels qu'il a reçus du Seigneur. L'enfant prodigue, le pécheur abuse de tout, dissipe tout, la passion dit-elle jamais, c'est assez. Ô jeunesse, fleur de l'âge, danger de l'âme, s'écrit saint Augustin, sermon 246 de Tempore. Note. Cette explication et les suivantes sont tirées de l'histoire de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Père de Ligny. Elles nous paraissent répondre à l'exposition sommaire que demande Saint Ignace dans la seconde des 20 annotations. Fin de la note. Second point, sa misère et son repentir. Après qu'il eut tout consumé, il survint une grande famine en ce pays-là, et il commença à être dans l'indigence. Il s'en alla donc, et s'attacha à un des habitants du pays, qui l'envoya dans sa métairie garder les pourceaux, et il eut bien voulu se rassasier des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui en donnait. Alors, étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance, et moi ?» Je meurs ici de faim. Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous, je ne mérite plus d'être appelé votre fils, traitez-moi comme l'un de vos mercenaires. » Il survint une grande famine. La famine et l'indigence, c'est ce vide immense qui se forme dans une âme créée pour Dieu seul, à laquelle tout manque, même au milieu de l'abondance, lorsque Dieu vient à lui manquer. Le maître auquel se donne le prodigue, c'est le démon. À quelle servitude a-t-il abouti par une fausse liberté, au lieu de la douce liberté qui se trouve dans la servitude des enfants de Dieu? Les pourceaux, ce sont ces infâmes passions, dont il est devenu le vil esclave, Et les gousses, ces misérables plaisirs auxquels il a tout sacrifié, qui manquent souvent à ses désirs, et qui sont toujours incapables de les satisfaire. Combien de mercenaires! Point de pêcheurs qui ne soupirent lorsqu'ils comparent le malheur de ces années criminelles avec le bonheur de ces années vertueuses. Que n'ajoute-t-il alors? Redevenons heureux. Troisième point, son retour. Et, se levant, il vint vers son père. Comme il était encore éloigné, son père l'aperçut, et, touché de compassion, il accourut, se jeta à son cou et le baisa. « Mon père, lui dit le fils, j'ai péché contre le ciel et contre vous, je ne mérite plus d'être appelé votre fils. » Il n'acheva pas, soit que son père ne lui en laissa pas le temps, soit qu'il eût senti dans un si doux embrassement qu'il avait déjà obtenu plus que ce qu'il osait à peine demander. Ce bon père, plus pressé de faire grâce que le fils ne l'était de l'obtenir, dit aussitôt à ses serviteurs, « Apportez promptement la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez aussi le veau gras, et tuez-le. Mangeons et faisons grande chair, parce que mon fils que voici était mort, et il est ressuscité, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir en un festin. Et, se levant, il vint vers son père. Il dit, « Je partirai, et il partit, j'irai, et il alla s'en délibérer et s'en différer. » Combien de pécheurs disent comme lui, « Je partirai et j'irai. » Les uns parlent, les autres diffèrent. Voilà ce qui fait qu'il y a des pénitents et des impénitents, des élus qui ont beaucoup péché, et des réprouvés qui se sont proposés mille fois de faire pénitence. Ne tardez pas de vous convertir au Seigneur, et ne différez pas d'un jour à l'autre. L'Ecclésiaste 5, 8. J'ai péché contre le ciel et contre vous. Premièrement, contre le ciel, c'est-à-dire contre le Dieu du ciel, contre les anges et les saints qui habitent le ciel. Ils ressentent l'injure qui est faite à Dieu, comme des enfants bien-nés celle qui est faite à leur père, et comme de fidèles sujets celle qui est faite à leur roi. Deuxièmement, contre vous, tout le monde conçoit qu'un fils qui se comporte mal, quoiqu'il n'attaque pas directement son père, l'offense néanmoins par sa mauvaise conduite. Le fils rebelle qui dit « Quel mal cela fait-il à mon père ?» est un insolent qui ajoute l'outrage à l'injure, de même le pécheur qui dit « Quel mal mon péché fait-il à Dieu ?» est un impie qui ajoute à l'iniquité le blasphème. Apportez promptement la plus belle robe. Selon divers interprètes, la robe précieuse c'est la première innocence. L'anneau est le gage du retour de l'Esprit Saint dans un cœur d'où il avait été banni par le péché, et dans lequel il vient de s'entrer avec la plénitude de ses dons et de ses grâces. Les souliers arment les pieds contre les pierres de scandale, et les défendent de la morsure du serpent infernal. Tous entendent par le festin du père de famille le banquet eucharistique, auquel le pécheur repentant est admis en signe d'une parfaite réconciliation, et où il reçoit l'aliment nécessaire pour conserver la vie spirituelle qui vient de lui être miséricordieusement rendue. Quatrième point, sentiment du fils aîné. Or, le fils aîné qui était dans les champs, revenant et approchant de la maison, entendit le son des instruments et le chœur de danse. Il appela aussitôt un des serviteurs, et s'informa de ce que c'était, et le serviteur lui dit, « Votre frère est de retour, et votre père a fait tuer le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » L'aîné en conçut de l'indignation, et il ne voulait point entrer. Son père sortit donc et se mit à le prier, mais il lui dit, « Il y a tant d'années que je vous sers, sans jamais avoir contrevenu à vos ordres, et jamais vous ne m'avez donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis, mais votre fils que voilà, qui a mangé son bien avec des courtisanes. À peine est-il de retour que vous faites tuer pour lui le veau gras. Mon fils, lui dit son père, vous êtes toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à vous. Mais il fallait bien faire un festin et nous réjouir, parce que votre frère était mort, et il est ressuscité, il était perdu, et il est retrouvé. L'aîné en conçut de l'indignation. Des justes, animés d'un zèle trop ardent, peuvent prendre une espèce de scandale de la miséricorde que Dieu exerce envers les plus grands pécheurs. Ce qui pourrait arriver encore aujourd'hui devait être plus commun dans les premiers jours du christianisme, entre le peuple ancien et le nouveau. La douceur de l'Évangile n'était pas connue alors comme elle l'a été depuis. Jésus-Christ commençait proprement à la faire connaître, et il n'était pas aisé d'en prendre l'esprit dans un temps où l'on ne respirait encore que la rigueur de l'ancienne loi. De là cette leçon que fit le Sauveur aux deux enfants du tonnerre, lorsqu'ils voulurent foudroyer la ville infidèle qui avait refusé de le recevoir, « Vous ne savez pas, leur dit-il, à quel esprit vous appartenez. » Luc 9, 55. Mon fils, vous êtes toujours avec moi. Un jour passé dans la maison de votre père, en sa compagnie, n'est-il pas préférable à 1000 ans passés dans la tente des pécheurs? Or, vous êtes toujours avec moi, comprenez donc votre bonheur. Le bonheur solide du juste, c'est d'être avec Dieu, heureux, Seigneur, ceux qui habitent votre maison, ils vous loueront à jamais. Psaume 83, 5. Le souverain malheur du pécheur, c'est d'être éloigné de Dieu. Ceux qui s'éloignent de vous périront. Psaume 72, 27. Tout ce qui est à moi est à vous. C'est-à-dire tout ce qui est ici est à votre disposition, et vous n'avez pas raison de me reprocher de ne vous avoir pas donné ce que je vous ai laissé la liberté de prendre. Parce que votre frère que voici était mort. Le prodigue était mort dans le sens qu'il était perdu, et il est ressuscité dans le sens qu'il est retrouvé. À l'égard du pécheur pénitent, ces deux mots ont leur signification littérale. La grâce, ou la justice habituelle, est formellement la vie de l'âme, et sa perte en est la mort. Colloque. Répété avec un repentir animé d'un amour filial. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Luc 15, 21. Je ne demande au Seigneur qu'une seule chose, et je la lui demanderai encore. C'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Psaume 21, 4. Pater, Ave. Nota. Celui qui penserait que la bonté de Dieu est représentée ici dans toute son étendue, prendrait une faible lueur pour le soleil dans son midi, et une goutte de rosée pour l'immensité des eaux de la mer. En effet, cette bonté du Père du prodigue, qui nous touche et nous attendrit quelquefois jusqu'aux larmes, n'est qu'une partie de la bonté de Dieu, et cette partie en est la moindre. C'est la miséricorde qui reçoit, ce n'est pas encore la grâce qui prévient, c'est Dieu qui pardonne aux pécheurs pénitents, ce n'est pas encore Dieu qui recherche le pécheur ingrat et obstiné. Pour que l'image fût complète, et pour que Dieu y fût représenté tout entier, il faudrait que le Père suivît son Fils dans ses courses insensées, qu'il alla le chercher jusque dans ces climats lointains où son libertinage l'avait égaré, qu'il se présentait à lui au milieu de ses débauches et de ses misères, moins pour les lui reprocher que pour l'inviter au retour, pour lui offrir sa maison, sa table et tous ses biens, pour le presser, pour le conjurer de les accepter. Car elle est proprement la grâce prévenante, La voilà représentée trait pour trait. Mais c'était trop pour un père charnel, et la parabole poussée jusque-là aurait choqué la vraisemblance et peut-être la bienséance. Une pareille bonté n'appartient qu'au Père Céleste, et il est digne d'elle de se signaler par des traits inimitables à toutes les tendresses de la nature et du sang. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.